Toi tu es ma nana, toi ma nana à moi, tout à moi à la vie, moi ravi tout à toi. Moi nous amouréa, amouréa, l'amouréla. Oh ma nana, tu vas rêver, emparé au rêve à moi. Fumer la nuit au diaré. Toi et moi nous amouréa. Yaorana Tahiti. Mangareva, oiseau de nuit. Mangareva, oiseau de nuit. Mangareva, oiseau de nuit.